arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Nous avons tout de suite au téléphone Céline Desnoulets. Bonjour Céline. Bonjour. On va découvrir un petit peu plus son univers. Céline, c'était une passion, c'était un devoir. Comment tu as découvert un petit peu ce que tu voulais faire dans la vie? Eh bien, en fait, dès que j'ai appris à écrire, j'ai commencé à raconter des histoires. D'accord, oui. Je me posais sur papier et puis un jour, m'est venue l'idée de mélanger le paranormal avec mes histoires et mon livre est né comme ça. J'en ai sorti un pour l'instant, mais il y en a plusieurs qui sont en préparation. On va pas trop en dévoiler, mais quel est un petit peu le contexte de cette histoire pour donner l'eau à la bouche aux auditeurs, auditrices, et d'aller déjà découvrir ton livre? Et ben en fait, ça se passe dans nos années, dans les années 90-2000. C'est une histoire à laquelle beaucoup de gens peuvent s'identifier parce que beaucoup de gens aiment le paranormal, donc ça intéresse pas mal de gens. Et je l'ai écrit de façon à ce que justement tout le monde puisse se mettre à la place de l'héroïne, on va dire ça comme ça. Alors, l'héroïne, c'est un petit peu du vécu, c'est un petit peu toi, c'est... Non, pas certaines choses me sont arrivées, mais je les ai transformées pour le livre. D'accord. Mais non, c'est pas du vécu, c'est vraiment une histoire totalement inventée, c'est mon imaginaire total, c'est mon univers. Ça. D'accord. Et alors, quand on lit le livre, on doit dire qu'il y a peut-être un petit bazar dans la tête, non? Oui, voilà, ouais. C'est ça. D'accord. Il y a le petit grain de folie en plus. Donc ça s'appelle La maison de nos cauchemars, sorti aux éditions Prestance Diffusion, c'est ça? Il est déjà disponible. Et quand pourra-t-on voir la sortie du prochain dont vous nous parliez à l'instant? Temps pour parler avec la maison d'édition. Donc pour l'instant, je ne sais pas exactement la date de sortie. On restera dans un univers fantastique ou tout du moins dans ce paranormal que vous affectionnez a priori? On sera toujours dans un univers fantastique. Le paranormal sera un petit peu mis de côté parce que j'ai vraiment voulu écrire une histoire. Le deuxième livre, c'est vraiment une histoire où un monde complet, j'ai créé un monde complet en fait. Un monde complet, mais qui se passerait aussi dans notre monde en même temps. Donc c'est vraiment du fantastique. En parallèle. Voilà. Dans un monde parallèle. Tout à fait. Pourquoi le paranormal, voilà, le fantastique vous attire autant? Il y a du vécu là-dedans ou c'est simplement vous le rêvez ce monde-là? Non, je me suis toujours demandé ce qu'il y avait après la mort en fait. Depuis toute petite, ça me passe dans la tête tout le temps. Et donc du coup, j'ai essayé d'en savoir plus. De moi-même, j'ai fait quelques recherches, des découvertes. J'ai vécu certaines choses dans le niveau surnaturel et du coup je m'y intéresse totalement et je m'y intéresse encore. J'aime cet univers justement, de ne pas savoir ce qu'il y a après, ça met toujours un peu de piquant. Céline, tu parles beaucoup de la mort en fait. Je voudrais savoir qu'est-ce que... Pourtant elle est très jeune. Pourtant, oui, mais voilà. Donc, je voudrais savoir, est-ce que, tu as eu peut-être des expériences, tu as rencontré des personnes qui aimaient ce genre de situation? Ou perdu des proches, peut-être, qui l'ont touché. Ou des proches que tu as perdus et qui t'ont amené à parler de ça. Mais je voudrais savoir, quel est le rapprochement que tu as par rapport à la mort? Mais en fait, j'ai perdu mon grand-père très jeune. J'avais 12 ans quand j'ai perdu mon grand-père et c'était très, très complice. Et j'ai toujours eu l'impression qu'il était tout le temps avec moi. Donc, j'ai cherché à savoir, j'ai rencontré des personnes, des parapsychologues, des gens qui mènent des enquêtes justement dans des châteaux, des choses comme ça pour voir un petit peu ce qui pouvait en ressortir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans notre univers, il y avait des choses qu'on n'arrivait même pas à expliquer, des voix, des bruits de pas, des choses. Oui, j'allais le dire, ça se manifestait comment? Oui, parce que tu as eu des expériences, certainement, non? Ça se manifestait comment? Moi, j'ai eu une personne qui s'est assise au bout de mon lit, et je l'ai senti la personne s'asseoir et se relever, mais il n'y avait personne dans la chambre. Personne du tout, j'étais seule. Du coup, c'est venu de là, en fait. Je me suis toujours demandé qui avait été dans ma chambre, pourquoi. Et c'est de là que viennent toutes les questions. Le fait de sentir quelqu'un dans sa chambre à côté de soi, alors qu'on sait pertinemment qu'il n'y a personne, c'est troublant. Ça, c'était après, après la mort de votre grand-père, tout ça. Oui, c'est manifesté. Après la mort de mon grand-père. Il y en a eu d'autres manifestations de ce genre ou elle a été la seule? Non, dans la maison qu'on habitait dans le nord de la France, mes sœurs et moi, on entendait des gens nous appeler. Si j'étais là, j'entendais mes sœurs m'appeler, mais mes sœurs n'étaient pas à la maison. On entendait des voix, on entendait des bruits. Ça arrivait fréquemment dans la maison où j'habitais dans le Nord. Mmh. Et donc, c'est venu de là aussi. Je me suis toujours posé la question de savoir qui sont-ils, pourquoi ils sont là, leur but, quoi, en fait. Évidemment, oui. D'où ces questionnements, ces rencontres que vous avez faites par la suite. Et puis, c'est début de réponse, on va dire. On n'est jamais certain, mais bon, en tout cas, on cherche des réponses, évidemment, quand on vit des situations comme la vôtre. Et puis, bah, du coup, ce roman, il est pour part autobiographique. Alors, on y retrouvera des manifestations vécues. On y retrouve des manifestations vécues que j'ai intégrées dans mon texte, mais un peu transformées, quoi. Romancé. Voilà. Je rappelle votre livre La Maison de nos cauchemars, qui vient de sortir aux éditions Prestance Diffusion. C'est signé Céline Dénoulet, qu'on retrouvera très bientôt en musique, puisqu'elle est en écriture de ses textes. Et puis, elle s'associe avec des musiciens pour mettre tout ça en musique, Sébastien. À bientôt, Céline. Exactement. Merci beaucoup, Céline. Merci beaucoup. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles.